Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. C'est Karine Gravel qui vous parle et nous abordons maintenant un sujet qui tombe pile avec l'heure du souper, l'entomophagie. L'entomophagie, ça veut dire manger des insectes et c'est un concept qui est en pleine émergence. Donc, en 2013, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qu'on surnomme la FAO, a publié un rapport détaillé au sujet des insectes comestibles et des perspectives pour la sécurité alimentaire. Donc, pour en connaître davantage sur le sujet et surtout pour vous ouvrir l'appétit, je reçois Marianne Denlévé, qui est stagiaire en nutrition à l'Université Laval. Bonsoir, Marianne. Bonsoir, Karine. Marianne, peux-tu nous parler un peu plus de ton parcours pour t'introduire? Oui, en fait, je suis étudiante en quatrième année en nutrition. Je termine mon baccalauréat en décembre. Je suis vraiment intéressée par tous les sujets qui touchent la nutrition humaine, mais j'ai aussi un intérêt pour les sciences et les technologies des aliments. Donc, peut-être que je vais faire ma maîtrise là, sur ce sujet-là pour élargir mes connaissances par rapport au développement de produits alimentaires. À suivre. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce qu'est l'entomophagie, autre que seulement le fait de manger des insectes, et quelle est l'étendue de cette pratique? Oui, en fait, si on s'attarde à l'étymologie du mot, le terme entomo, ça signifie insecte, alors que le terme phago veut dire manger. C'est pas un concept nouveau. Nos ancêtres, au temps de la préhistoire, là, probablement qu'ils étaient entomophages. Et même si c'est peu documenté, on sait que la consommation alimentaire d'insectes, elle existe dans plusieurs pays du monde. On pense entre autres à l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. La FAO rapporte que 1900 espèces d'insectes sont consommées dans le monde par les humains et on estime qu'ils font partie des repas traditionnels d'au moins 2 milliards de personnes quand même. C'est impressionnant comme nombre, hein? Puis au niveau biologique, comment on les définit, les insectes? En fait, en biologie, on classifie les êtres vivants en rang taxinomique. Mm-hmm. Donc, on sait que le premier rang, qui est en fait le plus large, se nomme le domaine, alors que le dernier, qui est le plus précis, se nomme l'espèce. Mm-hmm. Les insectes représentent une classe qui, en fait, est un rang taxinomique qui se retrouve au milieu de cette échelle du vivant. Donc, ils sont associés à plusieurs caractéristiques. J'en ai comme sélectionné quelques-unes que je trouvais intéressantes. Mm-hmm. Entre autres que les insectes ont un exosquelette qui les protège de l'environnement. Qu'est-ce que c'est un exosquelette? C'est le revêtement solide du corps d'un animal. On pense par exemple à la coquille des mollusques qui est un exosquelette. Sinon, ce sont les seuls invertébrés qui ont des ailes. Ce sont des animaux à sang-froid. Également, ils subissent des métamorphoses qui leur permettent de s'adapter aux variations saisonnières et ils se reproduisent rapidement et se présentent en grande population. Je trouve intéressant aussi de noter que la classe des insectes représente potentiellement 90% des différentes formes de vie sur Terre, ce qui est quand même, de vie animale en fait sur Terre, ce qui est quand même important. Oui. Et quelles sont les espèces d'insectes qui sont consommées par les personnes entomophages? Donc, à l'échelle mondiale, les principaux insectes qui sont consommés, en fait, en première position, c'est le scarabée à 31%, et c'est suivi par les chenilles qui représentent 18% des espèces consommées. Ensuite, on trouve à 14% les abeilles, les guêpes et les fourmis, qui en fait font partie du même groupe, qui est un ordre, et ils se nomment Hyménoptères. Et pourquoi on s'intéresse de plus en plus à la consommation d'insectes? En fait, comme on le sait déjà, la population mondiale n'arrête pas d'augmenter. Selon les prévisions, en 2050, on va être 9 milliards d'individus. Donc, selon les Nations Unies, il va falloir multiplier par 2 la production alimentaire actuelle pour réussir à nourrir tous les êtres humains. C'est sûr que dans ce contexte-là, il faut modifier nos pratiques actuelles puis trouver des solutions de remplacement. Et l'entomophagie fait partie de ces solutions de remplacement-là. Donc, toujours selon la FAO dont on parlait tout à l'heure, il y a 3 raisons principales de manger des insectes. Premièrement, pour leurs effets sur la santé. Deuxièmement, pour leurs bénéfices sur l'environnement. Et troisièmement, concernant les moyens de subsistance des populations. Donc, ça, c'est un point qui se rattache là, aux facteurs sociaux et économiques. Donc, d'après ce que je viens de dire, c'est sûr qu'on voit que les Nations Unies, ils voient vraiment la consommation d'insectes d'un point de vue pragmatique. Mais je trouvais vraiment important de mentionner que l'entomophagie est aussi vue d'un point de vue gastronomique dans le monde. En Europe, là, entre autres, on considère, on utilise finalement les insectes là, dans plusieurs menus là, de chefs renommés. Et quel est l'intérêt nutritionnel des insectes là? Est-ce qu'ils sont vraiment si bénéfiques que ça pour la santé? Moi, il faut me convaincre. Oui. En fait, pour répondre à ta question, là, je vais te parler d'une revue de littérature qui a été faite à l'Université Rikkyo au Japon et à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. C'est une étude qui a été publiée en 2016. Donc, ce que les chercheurs voulaient voir dans cette étude-là, c'est en fait de répertorier la composition en nutriments de 12 insectes comestibles qui sont disponibles sur le marché. Leur but, c'était de créer une table de valeurs nutritives qu'ils pourraient mettre en ligne et qui serait facilement compréhensible. Donc, ce qu'ils ont vu, c'est qu'on peut pas vraiment émettre de constat solide sur l'effet des insectes sur la santé humaine, et ça s'explique par plusieurs choses. Entre autres, ils ont vu que les données qui concernent la valeur nutritive des insectes sont rares, sont de faible qualité et sont très variables. Mais par contre, ce qu'ils ont pu constater, c'est qu'ils croient que les insectes pourraient être utiles pour combattre des déficiences en micronutriments parce qu'ils sont riches en plusieurs micronutriments, notamment comme le fer et le zinc. Juste pour préciser, le terme micronutriments, ça inclut les vitamines et les minéraux, et c'est des déficiences qui sont surtout répandues dans les pays en voie de développement. Donc, on a vu aussi dans cette étude-là que certaines espèces sont une source importante de nutriments qui peuvent être dommageables pour la santé. On pense par exemple aux gras saturés. Donc, c'est sûr qu'il va falloir faire d'autres études concernant l'impact de la consommation des insectes sur la santé humaine pour y voir plus clair et comprendre mieux ce sujet. Donc, on est encore au premier balbutiement de la recherche. Et si on classait les insectes là, dans notre guide alimentaire canadien, d'ailleurs, notre guide qui est en période de consultation là, pour une éventuelle révision qui est prévue pour 2018 ou 2019, dans quel groupe on retrouverait le score? Donc, le scorpion, on le retrouverait dans le groupe des viandes et substituts. Mm-hmm. Parce que, dans le fond, les candidats, c'est des bons... les insectes, c'est des bons candidats pour remplacer la viande. Donc, si on regarde d'un point de vue écologique, ils ont besoin de peu de nourriture pour croître, donc pour se développer. Et si on va au niveau de l'alimentation, en fait, ils sont très riches en protéines. Par contre, c'est pas toutes les espèces qui sont équivalentes à la viande. Si on regarde une femme adulte de 60 kg, pour se donner un point de référence, mm-hmm. elle doit consommer 48 g de protéines par jour. Si on regarde au niveau des insectes, 100 g de fourmis tisserandes nous fournit 11 g de protéines, alors que la même quantité de chenilles mopanes nous en fournit 35. Mm-hmm. Donc, on a 11 et 35 g. Et on sait que 100 g de bœuf cru nous fournit 21 g de protéines. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, le bœuf se situe entre ces deux insectes-là en termes de quantité de protéines. Oui. On voit que c'est quand même assez riche en protéines, les insectes, mais ça prendrait combien d'insectes entiers, par exemple, pour avoir une quantité de 100 grammes? Est-ce qu'on le sait? Oui, en fait, c'est une question qui m'intriguait aussi. Et en fait, dans les études, on utilise une portion standard de 100 grammes parce que c'est vraiment ce qui est utilisé dans les tables de valeurs nutritives. Mais en fait, ce qu'il soulignait dans l'étude, là, c'est que c'est peu probable que ce soit une portion réelle. Mm-hmm. J'ai fait l'exercice avec les abeilles et 100 g d'insectes frais nous fournit 1428 abeilles. Donc, c'est quand même difficile de s'imaginer que quelqu'un puisse manger ça pour son souper. 1428 abeilles, là, j'avoue que la gorge me pique un peu puis je me sens déjà rassasiée. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient s'initier à l'entomophagie, est-ce que c'est possible de se procurer des produits à base d'insectes là, ici à Québec? Oui, c'est possible. En fait, si tu veux manger un plat à base d'insectes dans un restaurant, pour l'instant, il faut que tu te rendes à Montréal. À Québec, on n'a pas ça encore. Donc, il y a entre autres le restaurant mexicain Tachido, qui propose une entrée de chapuline, c'est-à-dire de délicieuses sauterelles grillées. Et sinon, il y a des produits à base d'insectes qui sont fabriqués au Québec, qui commencent à voir le jour tranquillement. Là, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Mm-hmm. Mais par exemple, il y a l'entreprise UK Protéines qui vend des produits à base de grillons. Par exemple, ils proposent des barres de chocolat et cayenne. Donc, ça pourrait être un beau cadeau de Noël, je dis ça comme ça. Et aussi, il ne faut pas oublier l'insectarium, en fait, qui a un projet qui se nomme le projet Métamorphose. Mmh. Et en fait, il prévoit des travaux majeurs pour 2019. Donc, c'est sûr que ça va être un endroit à visiter, là, vraiment, pour apprivoiser les insectes. Donc, ça s'en vient. Alors, des belles adresses pour ceux qui veulent découvrir de nouvelles saveurs ou textures. Merci beaucoup, Marianne. Merci à toi. Je rappelle que Marianne est stagiaire en nutrition à l'Université Laval. Et puis, ben, de mon côté, ben, je rappelle que Karine Gravel est nutritionniste et docteur en nutrition et qu'on peut la retrouver sur son site karinegravel.com. On fait maintenant une pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle de changement climatique, de fleuves et d'inondations.